Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un quartier emblématique des grands ensembles à la française, la Cité des 4000. Édifiée au nord de Paris, sur la commune de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, cette cité doit son nom aux 4000 logements qu'elle abrite. Achevé en 1964, cet ensemble d'immeubles, bars et tours est construit par la ville de Paris pour loger les habitants que la capitale ne peut ou ne veut héberger, ouvriers et immigrés en particulier. Symbole de la politique urbaine des grands ensembles de banlieue, la cité des 4000 deviendra vite l'incarnation de son échec. Chômage, racisme et délinquance viennent progressivement tacher l'idéal de modernité égalitariste et multiculturelle dont les architectes de la cité rêvaient au tournant des années 60. Une histoire d'urbanisme, mais surtout des vies, des habitants, leurs espoirs, leurs combats, leurs déceptions. Une saga ponctuée par trois drames et trois prénoms, Jean-Pierre, Toufik et Sid Ahmed. Trois enfants de la cité tués par un mal que 50 ans de politique de la ville ne suffiront pas à apaiser. Un malaise qu'on appelle mal des banlieues ou quartiers sensibles, devenu pour certains zones de non-droit, terreau parfois de l'islamisme radical. Tout cela est vrai, mais ne tombe pas du ciel comme un problème inattendu. Non, dès la construction de ces quartiers, le ver était dans le fruit. C'est ce que ce récit tentera de démontrer. Notre invitée aujourd'hui, Annie Fourcault, historienne et professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire urbaine du contemporain. Elle a notamment travaillé sur la constitution de la banlieue parisienne. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décennie 50, les surprises parties ne s'appellent pas encore boom, ni les boomers boomers. Ce sont pourtant déjà les 30 glorieuses, baby boom donc, mais aussi boom économique. Croissance démographique boostée, allongement de la durée de vie, mais aussi arrivée de travailleurs étrangers attirés par le développement industriel du pays. Car le gouvernement français, dans les années 50, encourage l'immigration. Les ouvriers algériens, italiens, espagnols ou portugais jouent un rôle essentiel dans les usines françaises, bientôt rejoints par des centaines de milliers de Français rapatriés après la guerre d'Algérie, pieds noirs et harkis. Ces derniers s'installent bien souvent à et autour de Paris, là où se trouve l'emploi. Avec d'autres travailleurs pauvres venus de toute la France, chassés des campagnes par la misère, ils s'entassent dans tout ce que la capitale fait de plus inconfortable. Les bidonvilles d'abord, Nanterre, Clignancourt, Montreuil, leurs allées boueuses, leurs baraques insalubres et leur sociabilité en marge qui inquiètent les autorités. Ce sont ainsi près de 120 poches de pauvreté collées comme des verrues à la ville. Cette ville malsaine et pathologique, celle dont parlaient les hygiénistes du 19e siècle. Des bidonvilles qu'on entend bien détruire, de même que cet autre repère d'ouvriers, non plus en périphérie mais en plein Paris, le taudis. Car les travailleurs pauvres qui peuvent échapper aux bidonvilles échouent au cœur de la capitale, dans ces meublés vétustes, sans salle de bain et parfois sans eau courante, typique de ce qu'on appelle alors « quartier taudis ». Des îlots d'insalubrité surpeuplés que la municipalité parle de rénover depuis l'avant-guerre. Un Paris délabré qui n'existe plus aujourd'hui, de la rue de Ménilmontant dans le 20e à la rue Jeanne d'Arc dans le 13e, de la rue de Reuilly dans le 12e jusqu'à la rue Mouffetard dans le 5e. Au tournant des années 60, des dizaines de milliers d'habitants, peu à peu, vont quitter cet oubli d'un autre âge. Reportage de l'ORTF en 1959. Ainsi, la rue Mouffetard n'est pas seulement un quartier romantique et plein de poésie. C'est aussi un îlot insalubre. Faut-il le raser alors ? Toutes les rues alentour commencent à disparaître, à s'effondrer sous la poussée des quartiers avoisinants. Les immeubles modernes s'élèvent maintenant à la place des taudis. Sur les lieux où se tenait le marché aux puces de la rue Saint-Médard, la rue Ortolan, la rue Gracieuse, des grands bâtiments anonymes se dressent maintenant, que fuiront sans doute car les loyers y seront chers, les quelques 2000 ouvriers du quartier. Tandis que Paris efface de sa carte bidonvilles étourdies, il faut reloger ceux qui y vivaient, bien sûr. Et pour répondre à cette crise du logement qui touche Paris, mais aussi les grandes villes de France, les autorités vont mettre en place une politique globale de planification urbaine avec la création des ZUP, zones à urbaniser en priorité, et leurs grands ensembles. Dès 1959, de vastes programmes architecturaux voient le jour dans toute la France, et en particulier en région parisienne, qui se couvrent alors de chantiers. Gennevilliers, Sarcelles, Villejuif, Nanterre, La Courneuve. Les barres de béton sortent de terre pour accueillir les travailleurs précaires. Une façon d'éradiquer la misère visible dans et autour des villes, comme l'explique le préfet et commissaire à l'urbanisme Marcel Diebold, qui définit ainsi les lignes de l'action de l'État. Le mal est connu, le ministre de la Construction vient encore de le rappeler. Concentration excessive, déséquilibre, désordre. Deux objectifs à atteindre, remettre de l'ordre dans tout cela et préparer le Paris de l'an 2000. La première ligne, c'est avant tout de partir à la reconquête de Paris, pour employer un terme cher aux urbanistes, vaincre le taudis, prendre notre revanche sur le manque de confort et sur la laideur. Deuxième ligne d'action, mettre de l'ordre dans la banlieue. Construire plus, moins cher, mieux. Pour cela, une seule solution, construire par grand paquet, par ensemble d'habitations. À la fin des années 50, à La Courneuve, dans le nord de la capitale, près de Saint-Denis et d'Aubervilliers, la ville de Paris acquiert 38 hectares de terrain pour y édifier des logements à loyer modéré gérés par l'office public HLM de la ville de Paris. En tout, 4208 appartements destinés à des ouvriers, employés, petits fonctionnaires chassés par les travaux de rénovation de Paris et en particulier par la démolition des taudis et des bidonvilles. La cité des 4000, c'est son nom, va donc accueillir tous ceux qui ne peuvent plus se permettre de vivre dans la capitale, au milieu d'un paysage encore peu urbain, constitué de champs maraîchers. Clément Tambuté et Henri Delacroix, les architectes en charge de ces 4000 logements, utilisent la technique du chemin de grue, qui permet de construire en masse, de façon rapide et rationnelle, une grue avance ainsi sur une voie ferrée, disposant sur son chemin des barres d'immeubles rectilignes avec du béton coulé sur place. Une logique tayloriste, fondée sur la répétition des tâches spécialisées et strictement planifiées, pour une esthétique tout aussi standardisée. Ravel, Musset, Fontenay, Leclerc, Villon, Renoir, Balzac, Braque, Debussy, Joliot-Curie. Les noms des bâtiments font référence à la musique, à la littérature, à la science ou à la peinture, comme pour masquer l'austérité réelle de ce quartier enclavé par les énormes bars qui l'encerclent. Les 4000 Sud et les 4000 Nord, séparés par l'avenue du Général Leclerc, abritent dès 1963 leurs premiers locataires dans des appartements modernes de 1 à 7 pièces avec salle de bain, chauffage, ascenseur. Un confort nouveau pour des locataires souvent habitués à vivre sans eau courante, ce qui ravit dans un premier temps les habitants de ces grands ensembles, à La Courneuve, mais aussi à Nanterre ou à Sarcelles, le plus vaste d'entre eux. Reportage chez les Houdin. La fille, puis le père, s'expriment dans cet extrait. Ici, la plupart des habitants viennent de logis insalubres, trop petits, trop sombres, trop humides. Tenez, entrez chez les Houdin. Michel, dans l'appartement que vous occupiez avant à Paris, comment était organisée votre vie ? C'est-à-dire que je n'avais pas de chambre. Et alors, je couchais avec mes deux frères dans la salle à manger. Alors le soir, avant de s'endormir, pour pouvoir défaire les lits superposés, il fallait repousser la table, pousser un petit peu le buffet et puis défaire le divan, qui commençait à devenir un petit peu trop petit. L'avantage, d'abord, on a des logements plus grands, plus aérés, plus lumineux. La vie est plus saine. La nuit, on dort mieux parce qu'il y a moins de bruit que dans Paris. Les inconvénients, je ne vois uniquement que la question transport. Au début des années 60, à la cité des 4000, vivent en majorité des Parisiens, mais également des Français rapatriés d'Algérie, qui bénéficient par décret de 10% des logements, et puis aussi des travailleurs immigrés d'Europe ou du Maghreb. Avant, certains habitaient à la Campa, un bidonville de la Courneuve, proche de la cité, qui abritera jusqu'en 1971 près de 2500 personnes. Espagnols, portugais, algériens, marocains, tunisiens, yougoslaves, et quelques familles françaises dans l'attente d'un relogement à HLM. Ainsi, dès 1963, les 4000 accueillent des ouvriers en grande majorité, mais aussi des employés et des travailleurs maraîchers embauchés à la journée dans les champs voisins. Des travailleurs pauvres, mais pas seulement, et qui vivent en bonne entente. Car l'ambiance y est chaleureuse, oui, les logements sont plutôt agréables, et les travaux en cours laissent entrevoir l'espoir d'un quartier multiculturel, sûr et dynamique. Petit à petit, les habitants des 4000 s'habituent au gigantisme linéaire des immeubles qu'on appelle alors « modernité ». Mieux même, ils s'attachent à leur quartier. Mais avant même que les 4000 ne sortent de terre, des voix se font entendre, déjà, pour critiquer l'utopie. En 1966, Jean-Luc Godard tourne « Deux ou trois choses que je sais d'elle à la cité des 4000 ». Elle, dans le film, c'est Juliette, une jeune mère de famille qui s'adonne à la prostitution. Elle, c'est aussi et surtout la région parisienne. Et au début du film, le réalisateur chuchote ces mots. Le 19 août, un décret relatif à l'organisation des services de l'État dans la région parisienne était publié par le journal officiel. Deux jours après, le Conseil des ministres nomme Paul Delouvrier préfet de la région parisienne qui, selon le communiqué du secrétariat à l'information, se trouve ainsi doté de structures précises et originales. J'en déduis que le pouvoir gaulliste prend le masque d'un réformateur et d'un modernisateur, alors qu'il ne veut qu'enregistrer et régulariser les tendances naturelles du grand capitalisme. J'en déduis aussi qu'en systématisant le dirigisme et la centralisation, ce même pouvoir accentue les distorsions de l'économie nationale, et plus encore celles de la morale quotidienne qui la fonde. Dans deux ou trois choses que je sais d'elle, le grand ensemble devient le décor d'un mal-vivre des périphéries auxquelles les médias vont vite donner un nom, celui d'une drôle de maladie, la sarcellite. Les grands ensembles, sarcelles donc, mais aussi la cité des 4000 à la Courneuve, sont regardés par la presse d'un œil méfiant. On les accuse d'être pathogènes, criminogènes. Les jeunes écartés de la société, et en particulier de la société de consommation, s'ennuient, et pour combattre l'ennui, eh bien, ils volent. Nous dit par exemple ce reportage diffusé à la télé en 1964, dans lequel un jeune homme témoigne à visage masqué. Vous avez volé des choses de plus en plus importantes, de plus en plus chères? Non, mais toujours à peu près la même chose, de façon à avoir toujours, si on peut dire, le même bénéfice. On pourrait acheter ce qu'on a envie, on achèterait, mais étant donné que on propose tellement de choses, de disques, de revues, électrophones, etc., qu'on a envie de les avoir et comme on ne peut pas se les acheter, on arrive qu'on les vole. Maintenant, vous regrettez? Un peu, oui. Enfin, oui, je regrette. Je regrette de l'avoir fait vis-à-vis de moi-même, pas vis-à-vis de la société. Pourquoi vous en voulez à la société? Pas spécialement, mais elle ne m'a rien donné, je vois pas pourquoi je lui apporterais quelque chose. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air sérieux, sérieux. Un loubard parmi tant d'autres, je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute. Mon HLM, c'est pas Byzance. Mon pote, mon pote. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. Deux jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne, bordel. Dans une rue déserte, j'ai fauché une onde à 500. Un fils de bourgeois honnête, avec elle je fonce à 200. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mon copain Pierrot s'est planté sur l'autoroute un jour de pluie. Parfois je l'entends rigoler, c'est sûr qu'il est au paradis. Stanflé, stanflé. Et moi je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche, je voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche. Je suis un loubard périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Aux flics, aux flics. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu, y'a ma bécane qui crame par terre. Bon Dieu, bon Dieu, oh bon Dieu, bon Dieu, oh mon Dieu. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le 5 mars 1971, un drame va bouleverser la cité des 4000. Il est 19h30 quand le patron du bar, le Narval, pointe un revolver sur Jean-Pierre Huet, 16 ans après une altercation pour un verre cassé. Deux balles partent, le jeune garçon s'écroule, mort. Western dans une cité dortoire de la Courneuve. La Courneuve, le drame d'un univers concentrationnaire ou encore la maladie des quartiers sans âme, titre les journaux. Les habitants des 4000, eux, disent leur lassitude. Le jour des obsèques, ils sont plus de 1000 à manifester pour crier leur colère et l'absence des équipements promis dans ce quartier qui ne comprend qu'un cinéma et 3 cafés pour 18 000 habitants. Quelques voitures brûlent et la cité gagne un nouveau nom, Chicago. D'autant que les années 70, la cité 4000, c'est aussi l'époque des premiers dealers. L'héroïne s'installe discrètement mais sûrement dans le quartier où elle fera bientôt des ravages. Albin Chalandon, responsable de la politique du logement, se rend à la cité des 4000 plus de 6 mois après la mort de Jean-Pierre Revet. De son propre aveu, c'est la première fois en 3 ans de mandat qu'il visite un grand ensemble. Et il se déclare extrêmement choqué par ce qu'il y découvre. La Courneuve est un véritable miroir grossissant des problèmes généraux qui se posent dans beaucoup de grands ensembles, déclare-t-il aux journalistes présents sur place. Et le problème numéro 1, c'est le chômage. Car en termes d'emploi, les années 70 constituent un tournant. Une à une, les usines de la ville ferment, laissant des milliers de Courneuviens sans ressources, dépendant des seules allocations familiales. Reportage dans la famille Sauvage, la cité des 4000, en mai 78. Monsieur Sauvage, vous êtes au chômage. Depuis combien de temps ? Depuis le 23 juillet 1976. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais essayeur de compresseur. Ah, vous avez été au chômage ? Chômage économique ? Oui. Et alors maintenant ? Maintenant, je touche plus rien. J'attends. Vous êtes prêt à prendre n'importe quel travail ? N'importe lequel, même balayeur, j'en ai rien à foutre. Madame Sauvage, vous travaillez-vous ? Oui. Oui. Toujours. Depuis l'âge de 17 ans, je travaille toujours. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Actuellement, femme de ménage. Dans les HLM. Ici, dans les 4000. Vous gagnez combien ? Le SNIC. Donc il vous reste 700 francs par mois pour vivre à 6 personnes. À 6 personnes. Oui. Ah oui. Alors vous ne payez plus votre loyer ? Non. Avec la crise économique des années 70, comme les sauvages, ce sont des centaines de familles qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui sont expulsées des HLM de la cité des 4000. En parallèle, les foyers les plus aisés commencent à quitter la Courneuve pour accéder à la propriété, laissant derrière eux un quartier de moins en moins diversifié, premier coup de canif sérieux à la mixité sociale et de plus en plus délabré. Car l'office HLM de la ville de Paris, qui gère les 4000, peine à entretenir les lieux. Tandis que rapidement, les premières malfaçons apparaissent. Pas de suivi technique de la part des constructeurs, pas d'entretien de la part du bailleur parisien. Les dégradations sont inévitables et achèvent de stigmatiser les habitants des grands ensembles. Comme si les fissures dans les murs, l'isolation incomplète et les fuites, c'était de leur faute. Une situation que les habitants des 4000, soutenus par la municipalité communiste de la Courneuve, dénoncent lors de manifestations devant la préfecture de police de Paris. En 76, puis en 80, face à l'augmentation des loyers décidés par l'office HLM de Paris, les locataires vont aller plus loin dans le combat pour leurs droits. comme ailleurs en France, à Givors, à Villeneuve-d'Ascq, Brioude, Nanterre, Grenoble, une partie de la cité des 4000 se lance dans une grève des loyers. Lors d'un débat sur TF1 en 78, Robert Lyon, le délégué général de l'Union nationale des HLM, rejette la responsabilité sur l'État. Et il faut aussi tout de suite que l'on rénove ces immeubles, que l'on les rende beaucoup plus agréables, parce qu'on n'a pas parlé dans le film des dépenses de chauffage qui sont très élevées. Pourquoi ? Parce que ces immeubles ont été construits à l'économie, à notre corps défendant à l'époque. On n'a pas parlé de l'isolation contre le bruit. Tout ceci doit être réparé. Mais pour cela, les organismes d'HLM, aujourd'hui, n'ont pas les ressources financières nécessaires. On parle de blocage de loyers. On a bloqué les loyers. Quand on bloque les loyers, ça veut dire que les organismes d'HLM, on leur serre le cou. On ne leur permet plus de payer, par exemple, des réparations ou l'entretien des immeubles. Oui, mais je voudrais quand même vous signaler quelque chose à propos de ceux qui habitent la cité de la Courneuve, la cité des 4000. Ces locataires, donc, vous le savez, ne peuvent plus payer. Et la seule réponse qui est faite à leur problème par l'office HLM, c'est l'huissier. C'est quand même pas tout à fait exact, puisqu'il y a des services sociaux qui essaient, cas par cas, d'aider les gens à s'en sortir. Mais est-ce qu'un organisme d'HLM, un office d'HLM, peut trouver du travail ? Est-ce que c'est son métier de lutter contre le chômage ? Oui. C'est ça la vraie question. Chômage, expulsion, grève des loyers, violence. À l'issue de cette décennie 70, 15 ans après la construction du quartier, l'image utopique de la cité des 4000 est sérieusement écornée. Mais l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 redonne espoir aux habitants de la cité. Voici une réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville conçue dans un esprit futuriste et grandiose. Deux mois après l'élection de François Mitterrand à l'été 81, les Français découvrent à la télé les images de ce qui sera considéré plus tard comme la première des émeutes de banlieue, les Minguettes, près de Lyon. Sur fond de crise de l'emploi, c'est là que les premiers affrontements avec la police ont lieu. Près de 200 voitures sont incendiées, attirant l'attention du pays sur la réalité des grands ensembles. Discrimination à l'embauche, contrôle de police aux faciès, racisme, échec scolaire. Plusieurs nuits durant, les jeunes de Vélissieux, Villeurbanne et Vaux-en-Velin hurlent leur ras-le-bol et marquent les esprits d'une partie des Français, choqués par ces images d'une violence nouvelle et surmédiatisée. Pour la gauche au pouvoir, en plein état de grâce à l'époque, c'est un coup dur, d'autant que ces événements révèlent au grand jour une réalité qui concerne les grands ensembles de la France entière. À la Courneuve, précisément, certains se reconnaissent dans la colère des jeunes de Vénitieux, car aux 4000, leurs homologues d'origine étrangère connaissent les mêmes discriminations, le même racisme, la même violence, incarnée tragiquement par un drame survenu deux étés plus tard, en juillet 1983. Toufik, 10 ans, jouait ici, à l'endroit où son grand frère se trouve, quand il a été mortellement blessé d'une balle de 22 longs rifles qu'il atteignit en pleine poitrine. Une balle tirée d'une de ses fenêtres, mais laquelle ? Il y en a des centaines. C'était soir de Ramadan, le dernier, avec le coucher du soleil, le début des réjouissances. Toufik et 3 ou 4 copains s'amusent au pied de l'immeuble, ils font sauter des pétards. Il est 20h30, une personne qu'on n'a toujours pas retrouvée, excédée par le bruit. Tire. Toufik est mort ici, sur cette pierre, dans l'entrée de son immeuble. Un petit garçon de 10 ans, sans histoire. Je voudrais qu'on trouve l'assassin de mon fils. Cette cité de la Courneuve, c'est mal fréquenté, il y a beaucoup de... C'est inhabitable. 10 ans après la mort de Jean-Pierre Heuet, c'est donc un deuxième enfant qui meurt à la cité des 4000. Toufik, 10 ans. Pour le pouvoir, c'est une prise de conscience sans précédent. 2 semaines plus tard, le 26 juillet 1983, le président Mitterrand visite plusieurs villes de banlieue parisienne, dont la Courneuve. Un déplacement médiatisé, forcément. Étape obligée du ballet politique tel qu'il se construit alors, qui rappelle celui du ministre Alain Chaland, dont 12 ans plus tôt, mais aussi d'autres à venir à la cité des 4000. François Mitterrand y prend l'apéritif chez un couple de locataires, les Hakoun, où il constate le délabrement de l'appartement et de l'immeuble. Réaction de locataire. Qu'est-ce qui vous a fait des promesses ou des... Enfin, moi j'ai dit, si vous pouvez faire quelque chose pour moi, il m'avait dit, on verra ça, Madame Hakoun. Et il a visité tous les pièces. Hein. Mm-hmm. Il était vraiment déçu de voir comment on est logé l'un dans l'autre. Mm-hmm. Ben, si ça change quelque chose, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est déjà bien qu'il soit venu. Hein, parce que Giscard n'est jamais venu ici. Hein. vous, qu'est-ce que ça va être la réhabilitation du quartier? Eh ben, ça serait de tout raser, de faire quelque chose de correct, mais pas des grands trucs comme ça. À votre avis, quel immeuble va être démoli ici? Est-ce que vous y croyez? J'y crois pas tellement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il paraît que... Ils vont démolir ici là, le mail, mais je crois pas tellement. Ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils vont démolir, ils vont pas démolir. En 1983, la Cité des 4000 constituera l'une des étapes finales de la marche pour l'égalité et contre le racisme organisée par des habitants des Minguettes et qui traversera la France à l'automne. Un événement symbolique et fort pour les banlieues françaises qui font au même moment l'objet de nouvelles politiques urbaines. Avec les architectes Roland Castro et Michel Cantal-Dupart, François Mitterrand initie le projet d'urbanisme intitulé Banlieue 89 afin de réhabiliter 22 quartiers, dont la cité des 4000, loin de la politique des grands ensembles des années 60. C'est le début de ce qu'on appelle la politique de la ville, une politique globale voulue par l'État, à la fois sociale, économique et urbanistique, pour revaloriser les quartiers dits sensibles et réduire les inégalités sociales. Pour l'architecte Roland Castro, la cité des 4000 bénéficie notamment de la décentralisation souhaitée par le président Mitterrand. À la Courneuve, il y a un projet qui a été fait par la municipalité, qui en effet consiste à changer un certain nombre de choses profondément, c'est-à-dire même d'enlever un certain nombre de barres. Mais il y a aussi des projets consistant à retravailler sur les C-barres elles-mêmes, à rajouter des pièces en plus. Ce qu'on appelle les barres, c'est les grands immeubles transversaux. C'est un pour ce qui est de banlieue 89, à créer une rue qui va désenclaver ce quartier, puisque le pire à la Courneuve, c'est pas tellement même l'image, c'est plus généralement le côté ghetto, le côté enclavé. L'idée de banlieue 89, c'est de profiter de la loi de décentralisation. Ces actions sur les banlieues ont été faites centralement, et loupées centralement. La loi de centralisation a dit aux maires, vous pouvez y aller, c'est à vous maintenant, ça ne viendra plus jamais de Paris comme ça. Et l'idée de banlieue 89, c'est que chacune de ces villes qui a été fabriquée à partir de procédures centrales va au contraire se fabriquer aujourd'hui à partir d'initiatives locales. C'est pour ça que les projets de banlieue 89 sont, là où les villes ont été faites toutes pareilles, ils sont très bizarrement tous très différents. En 84, la mairie de Paris cède la cité des 4000 à la ville de la Courneuve en échange de crédits pour construire 10 000 HLM dans la capitale. Le quartier où vivent 40% de la population de la Courneuve va être enfin géré par la ville à laquelle il appartient. La municipalité, qui hérite aussi des dettes et des procès en malfaçon, se lance alors dans des travaux d'urgence qui doivent initier et donc annoncer une rénovation plus profonde. 2 ans plus tard, l'immeuble Debussy est détruit. 13h06 et 30 secondes à la cité des 4000 à la Courneuve. Dans 30 secondes, le coup de barre, l'immeuble Debussy, celui-là, près de 200 mètres de long, rayé de la carte. La restructuration de la cité est en marche. Aujourd'hui, un grand pas. Le désenclavement des bâtiments passe par 600 kilos de dynamite. Grand spectacle. Les personnalités sont là. 13h07, dernière seconde. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Bravo, une chute au mètre près, une première européenne pour un tel bâtiment. Le 18 février 86, la Courneuve est sous les projecteurs. Les téléspectateurs français assistent à la démolition de la tour Debussy et la cité des 4000. Tout un symbole pour l'État et sa politique de la ville qu'il entend mettre en œuvre pour transformer les banlieues, mais un symbole aussi pour les habitants de la cité. Sous leurs yeux, c'est 20 ans d'histoire qui s'écroulent en 8 secondes. Certains pleurent la barre d'immeubles qui les a vu grandir, d'autres se félicitent de sa destruction, première étape attendue depuis longtemps de la rénovation du quartier. À la place de la tour de Bussy, un nouveau quartier va voir le jour. L'Orme seul, qui s'affiche comme le contrepoint du bâtiment qu'il remplace. Des immeubles bas, des cours intérieures pour l'effet village, des espaces vides pour respirer, désenclaver et sortir de l'image de ghetto qui colle à la cité des 4000. La barre Balzac, elle, n'est pas détruite, mais transformée. Explication de l'architecte Laurent Israël à la journaliste Dominique Rotival. Des trouées de lumière à flanc de béton, tel est le projet de rénovation de la barre Balzac. Sur les 307 appartements, une quarantaine a été supprimée pour ouvrir de véritables fenêtres sur la ville. Il s'agit maintenant de produire une nouvelle image en s'appuyant sur l'architecture de départ. Les plafonds sont en acier maillé coloré, ce qui va colorer la lumière. Sur un des côtés de ces fenêtres, On aura de l'acier inoxydable qui est un miroir parfait, si vous voulez, qui permettra d'abord de renvoyer la lumière de manière plus conséquente de l'autre côté du bâtiment, et d'autre part qui fait que le ciel se reflétera dans l'épaisseur même du bâtiment, et le bâtiment va se dissoudre. L'idée de masse du bâtiment va se dissoudre à l'intérieur de ces fenêtres. La transformation de la barre Balzac revient à 55 millions de francs. En 92, la réhabilitation de la cité des 4000 devrait être terminée. Coût total, 535 millions de francs. Mais si les années 90 sont celles du renouveau architectural, c'est aussi le temps de l'héroïne et du sida. Au point que certains habitants désignent les jeunes de l'époque comme une génération perdue. Une décennie très dure, marquée par ce fait divers dramatique en 1993. Michel Méli, buraliste, est malencontreusement tué d'un coup au visage par Christian Jouan pour un paquet de cigarettes. Une mort qui dit à elle seule l'histoire de la cité des 4000. Le coupable, toxicomane, malade du sida, est né ici de parents pieds noirs, s'est rapatrié d'Algérie, à qui l'office HLM réservait dans les années 60 10% des logements. La victime, elle, comme beaucoup des premiers locataires de la cité, est d'origine italienne. Et ainsi que l'audience au tribunal le révélera, cette mort reflète surtout la situation dramatique du quartier, frappé de plein fouet par la drogue et déserté par les commerçants qui fuient la misère. Après le drame, relate la journaliste Aline Leclerc dans Le Monde, la femme du buraliste fermera boutique, ainsi que le café d'à côté. Puis ce sera au tour de l'opticien, du marchand de chaussures, du vendeur de valises et de toutes les boutiques du centre commercial de la cité des 4000. Reportage auprès des habitants, après ce drame, sur France 3. Ce fait divers n'est que l'illustration dramatique d'un quartier sinistré. La cité des 4000 a raté son plan de réhabilitation de 1982. La plupart des immeubles qui devaient imploser sont debout. Le taux de chômage dépasse les 30%. L'ennui, le désœuvrement ne cessent de gagner du terrain. Il y a des suicides de jeunes, hein. Il y a eu dans l'espace de... Je suis sûr que dans l'espace d'un an, il y a 4-5 gars qui sont déglingués par la fenêtre, hein. C'est les drames de la misère. C'est les drames de la misère, oui. Les jeunes qui sont désemparés, ils sont perdus, ils sont paumés. C'est dur. Qui se disent dur, ils sont capables de faire des saloperies. Donc à moi aussi de se flinguer, les deux choses dans le même mouvement. À chaque fois, beaucoup de promesses de fête, mais l'impression que rien n'a bougé par la suite. Une cité qui a voulu s'illustrer comme symbole de rénovation avec les premières implosions d'une barre en France. Il s'agissait alors de construire une nouvelle société. Dans les années 90, la France découvre le terrorisme islamiste. En 1995, Paris est frappé par plusieurs attentats à la bombe, dont celui du RER Saint-Michel. La même année, deux jeunes Français sont condamnés à mort au Maroc pour avoir tué dans un hôtel deux touristes espagnols. Stéphane Idir et Redouane Amadi sont nés et ont grandi à la cité des 4000 qu'ils ont quittée pour rejoindre les filières d'entraînement au Pakistan ou en Afghanistan. La jeunesse des banlieues face au risque d'un nouveau terrorisme, titre Le Monde en 95. Désormais, les banlieues françaises, ces zones urbaines sensibles selon la nouvelle classification de 1996, sont associées par les médias à la montée de l'islamisme radical. Islamisme, mais aussi délinquance et trafic de drogue finissent par alimenter une inquiétante doxa autour d'un mot obsessionnel, l'insécurité. Le 21 avril 2002, à la Courneuve, lors du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen obtient 17,28%, un score jamais atteint par le Front National dans la ville. Le 7 mai, Nicolas Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur. 3 ans plus tard, c'est ici, à la Courneuve, qu'il s'illustrera, poussant le coup de com' politique à son paroxysme. Après la mort de Sid Ahmed, un petit garçon tué par une balle perdue dans une fusillade, il déclare haut et fort vouloir nettoyer au Karcher la racaille du quartier. Et il revient à la Courneuve, une seconde fois, 10 jours après la mort du petit Sid Ahmed. Et je sais qu'il y a des familles de voyous qui sont en train de s'organiser parce qu'on est là. On va les enlever. Et après, on mettra une police de proximité et on donnera une chance à chacun. Depuis l'assassinat, il y a 10 jours, d'un enfant de 11 ans, les 4000 sont sous haute surveillance policière. Les jeunes en ont assez et cette seconde visite médiatique les laisse perplexes. Le changement, les habitants de la Courneuve n'y croient plus. En 71, l'assassinat d'un jeune par un cafetier reflétait déjà le malaise des lieux. 12 ans plus tard, la cité est sous le choc. En plein ramadan, le petit Toufik est tué par un homme, excédé par le bruit. François Mitterrand fait le déplacement, le balai des hommes politiques est permanent. Dans le quartier, on voit bien qu'on n'a pas besoin d'un show comme ça, mais plus d'investissement au niveau social, raser des bars, reconstruire, et surtout dans ces bars, y reloger les habitants du quartier. Raser, reconstruire, ce sera le destin des bars Renoir, Prezov, Ravel puis Balzac en 2011 et du Petit Debussy en 2017. Aujourd'hui, 60 ans après sa construction hâtive, la cité des 4000 reste un symbole, tantôt porteuse d'espoir, montrée du doigt, détruite, reconstruite. Elle raconte la France, oui, cette France qui mit certains de ses enfants à l'écart et qui doit aujourd'hui aider les grands ensembles d'hier à renaître de leurs cendres. On est matrixé. Chèque qui passe sur mon dos pour eux, j'ai dégoté le canon scié. Je me pavane dans la rue, j'ai deux chaînes gauches, le flot d'un entier. Il est 14h, la sacoche remplie à moitié, le cœur sur le côté. Parle pas devant la justice, sinon je serai obligé d'amputer. Un pétard, une bécane, et tu finis par t'étaler. Que tu cours à bout de souffle dans ta tête, des fils, des images. Tu penses à tes crimes commis, la dernière vodka que t'as mise. Mais le masque à trois trous sera la dernière image dans ta vie. Je veux les clés du Porsche, une go à côté quand je dors. Et si ça se corse, on sort le machin comme l'écorce. Si c'est toi ou moi, je n'ai pas le choix. Si c'est toi ou moi, oh non, j'ai pas le choix. Fini, je vends plus le bédo, maman contente, je rends plus le frigo. Tyson bras dans l'auto, H4, Jeffy et la Mello. Tout vu dans le ghetto, respect avant pesos. Dans mon dos, un tas de couteaux, Bélec, la mort roule en moto. C'est tout pour l'oseille, raconte pas ta vie, je m'en fous tes conseils. Quand j'avais rien, j'ai pas vu tes appels, non, me tends pas la main, j'ai pas besoin de ton aide. Fais belle qu'à ce que tu dis, il ne joue pas sur les mots. Je récupère ma seule, ma bêtise après le show. Donc fais pas de caprice, m'en fous si tu dis yes ou no. À cause des concerts, tu vas plus traîner dans la zone. Et mon équipe se déplace que pour la monnaie. Et comment la mélange, je la manie. Bébé veut sa Chanel et Armani. Je suis rare comme des mecs qui se battent à main nue. Je veux les clés du Porsche. Une go à côté quand je dors. Et si ça se corse, on sort le machin comme les corps. Si c'est toi ou moi, je n'ai pas le choix. Non, je n'ai pas le choix, si c'est toi ou moi. Une balle dans les deux camps, que le meilleur gagne. Les yeux sur le canon, j'ai pas pitié de toi. Ticker a cédé sa place à diamant noir. Et les tapés, les faux, je les ai laissés tailler. J'ai plus la même équipe posée sur l'escalier. Samedi, je suis en show avec ta cavalière. À 10h, Jérôme laissé cahier. Et tu t'en sors pas quand t'es dans la jalousie, hein. À la fin, ils sont même plus crédibles. Le vendeur est en bas de la liste. Comme si t'es dans la vente de 10, non, ne joue pas les manies. Là, je suis avec Manio. Bon, avant le départ pour le Mali. Dans la rue, c'est pas pour toute la vie. Balle dans la tête ou coup de marteau dans la nuque. Ces égales, on revient dans la nuit. Je veux les clés du Porsche. Une go à côté quand je dors. Et si ça se corse, on sort le machin comme les corses. Si c'est toi ou moi, je n'ai pas le choix. Si c'est toi ou moi, oh non, j'ai pas le choix. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la cité des 4000 et les grands ensembles à la française dont nous allons parler avec notre invitée Annie Fourcault. Bonjour. Bonjour. Historienne, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire urbaine du contemporain. Genre urbain, un ouvrage collectif. Hommage à votre travail a été publié en 2019 aux éditions Créafis. Aujourd'hui, on regarde ces grands ensembles comme celui de la cité des 4000 à l'aune des problématiques leur sont liés. Globalement, la vision que l'opinion publique en a de ces grandes tours en périphérie, c'est que c'est laid, inadapté, raté. Pourtant, à l'époque et au début, peut-être faut-il le rappeler, ces constructions-là ont rendu un vrai service à beaucoup de gens qui vivaient dans des conditions qui ne sont pas dignes d'une société moderne comme la France. C'est exact. Et si on se place du point de vue des représentations contemporaines, j'entends par contemporaine 2020 ou les années 2000, on ne comprend absolument rien à ce qui s'est passé avec la politique des grands ensembles. Je crois qu'il faut rappeler, au-delà du cas de la Courneuve, que que les grands ensembles, d'abord c'est une période très courte, ça dure une vingtaine d'années. Du milieu des années 50 jusqu'à la circulaire Guichard, puisque Olivier Guichard supprime, interdit en 1973 la construction des grands ensembles. Donc ça dure une vingtaine d'années. Et en une vingtaine d'années, l'État, enfin l'État ne construit pas, mais l'État finance, l'État impulse, l'État réglemente la construction de d'abord 50 000, puis 100 000, puis 200 000, puis 550 000 logements par an. Ce qui fait qu'au recensement de 1975, grosso modo, la totalité des ménages de salariés français qui vivaient dans les taudis que vous avez évoqués. Et les taudis qu'évoque l'abbé Pierre lors du fameux appel de 1954. 1954, ouais. La quasi-totalité de ces ménages de salariés français, j'insiste sur les termes, sont logés à peu près correctement dans des appartements modernes qui les ont sortis des taudis de centre-ville où ils s'entassaient auparavant. C'est un exemple de politique publique réussie. Et les technocrates qui sont derrière, Paul Delouvrier, Sudreau, Diebold, etc., etc., qu'on traite aujourd'hui de fous, de malades, etc., ont rempli la mission que la société leur demandait. Que veut la société française ? Des sanitaires à la maison, notamment. Des logements. Oui, mais quand on a des logements, oui, des logements assez confortables. Des logements. Voilà. Les Français veulent, au milieu des années 50, des logements. Et on leur construit en une vingtaine d'années. C'est un énorme effort financier, dans une France des 30 glorieuses, du plein emploi, de la croissance. Bien sûr. On résout le problème en 20 ans. Et 20 ans, au niveau des politiques urbaines, c'est pas beaucoup. Bien. Donc, le postulat est bon, d'accord ? Puis ça se passe mal. C'est-à-dire qu'une partie de cette population, voire une majorité de cette population, se sent déclassée. Non. À partir... Non. Non. C'est... Enfin, non, ça, à partir d'un moment, ça va moins bien. Ça se passe mal. Vous avez adopté, c'est pas un reproche, mais a été adopté dans ce reportage un point de vue... Déjà, les 4000, c'est un cas particulier. Parce que c'est un cas où, d'entrée de jeu, ça se passe pas bien. Et ça se passe pas bien d'entrée de jeu parce que c'est l'office de HLM de la ville de Paris qui construit sur le territoire de La Courneuve. C'est pas donc l'office de HLM de La Courneuve qui contrôle les attributions. Et Paris fait ce qu'il veut. L'office de HLM de Paris fait ce qu'il veut. N'entretient pas les immeubles et met des Parisiens dont on ne voulait pas ou plus à La Courneuve. Donc ça s'est pas passé tout le temps comme ça. Et dans les premiers temps, ça c'est... Alors certes, il y a des faits divers, il y a des blousons noirs, il y a des vols de mobilettes, mais ils ont rempli leur fonction. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Ils ont rempli leur fonction du début jusqu'à un certain moment, parce qu'à un certain moment, il y a quand même une rupture, ça va plus. Alors, je ne l'amende pas. Non, mais ces grands ensembles... alors aujourd'hui, en plus, les 4000, ils sont quasiment complètement détruits par l'ANRU, qui les a rasés et qui a construit des petites maisons ou des petits logements de 3-4 étages à la place. Agence nationale de la rénovation urbaine. Voilà, créée par Jean-Louis Borloo, qui a fait un travail extraordinaire de remodellement de tout un tas de banlieues françaises. De politique de la ville, parce qu'il y a quand même une politique de la ville. Mais il y a une politique de la ville, voilà. Et donc, ils ont rempli leur première fonction. Ensuite, il ne faut pas voir ça en termes de stock, il faut voir en termes de flux de population. Les populations des années 60-70, elles ont été peu à peu remplacées par d'autres populations, puis par d'autres populations, puis par d'autres populations. Les grands ensembles, ils jouent ce rôle de sas, d'entrée dans la société française d'un certain nombre de populations. Alors maintenant, souvent des migrants. Aujourd'hui, la Courneuve voit... la municipalité de la Courneuve cherche un médiateur pour parler en tamoul, parce que sur la commune de La Courneuve, on a une immigration comorienne, chinoise, pakistanaise, indienne, La Courneuve, et ils cherchent des employés qui parlent anglais, parce que la majorité des nouveaux migrants sont anglophones. Donc les grands ensembles ont servi à ces populations successives pour rentrer. C'est un sas, c'est un sas. Bon. Et ensuite, on en sort du sas. Quand on a deux salaires, etc., et qu'on progresse... Ah oui, mais quand on a ça, on en sort, mais quand on n'a pas ça, on n'en sort pas. Et ça fait ce qu'on connaît aujourd'hui. La majorité en sont sortis. Bon. La majorité des gens en sont sortis. Alors, on va mettre la lumière sur un point qui, je pense, vous satisfera. La cité des 4000, c'est pas que des drames, hein, c'est aussi des forces vives, des habitants engagés, des sociabilités, puis c'est aussi une politique de la ville. Notre reporter, Anaëlle Verzo, ici présente, a pu le vérifier. Bonjour, Anaëlle. Bonjour. Au quotidien, hein, de nombreuses associations agissent localement pour essayer d'améliorer la vie des habitants de la cité, et parmi elles, l'association AZAD, A-S-A-D, pour, enfin, acronyme de Action de Solidarité pour l'Autonomie Durable. Une association qui ne date pas d'hier, puisqu'elle a été créée en 1999. Son but, c'est de dynamiser le quartier avec des animations sociales, sportives, culturelles et ludiques, et de favoriser la réussite scolaire et sociale des jeunes. Alors, c'est Ali Dioura, le dirigeant de l'association, qui vous a accueilli, Anaëlle, et nous emmène avec vous dans un atelier de soutien scolaire, direction donc les 4000. Je me trouve sur une petite place qui est au cœur de la cité des 4000 à La Courneuve. Il y a un bar-tabac, le bar-restaurant de la tour, un salon de coiffure, une pharmacie, la poste, un cybernet qui est fermé. Le salon de coiffure est fermé aussi. Et donc il y a une médiathèque où se trouve d'ailleurs le local de l'association où on va se rendre. Salle de danse. On se trouve où là, Ali ? Là, on se trouve à la boutique de quartier La Tour. Donc, c'est un lieu qui nous est mis à disposition par la ville de La Courneuve afin qu'on y développe un certain nombre d'activités, et en particulier l'accompagnement à la scolarité. Donc, on accueille 170 enfants de 5 à 18 ans, avec en terminale un dispositif particulier en vue d'obtenir 3 diplômes en 10 mois. Donc, le bac, le permis et le BAFA. Et ça se passe plutôt bien. Donc là, ce sont les élèves du CP, hein, les enfants là, qui sont en CP. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce deuxième créneau, c'est les élèves du CP. Accompagnés de CM, donc, qui est enseignante, je crois, en CP, et de Yasmine, qui est enseignante stagiaire, donc qui a eu son concours l'an dernier. Donc il y a une petite dizaine d'enfants du quartier. On peut rentrer. Y aller, oui. Ouais. Bonjour. Pareil, on n'a pas besoin des passeurs. Bonjour. Bonjour. 5 plus 7. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, je fais les calculs. Les calculs ? Alors, vous avez mal compté, on va le faire ensemble. 7 plus 5. 12. Parfois, il y a des enfants qui ont des niveaux qui sont plutôt, on va dire, corrects. Et d'autres enfants qui ont des grosses difficultés, ne serait-ce avec le maniement de la langue, ne serait-ce que pour le calcul, savoir 8 plus 4, le résultat, si déjà résultat, c'est alors. S'ils ont du mal à comprendre le mot résultat, forcément. Oui, voilà. Les mathématiques aussi. Tu as du mal à travailler, pourquoi ? Parce qu'il y a le soleil en face de toi ou parce que tu n'arrives pas à le faire ? Parce que j'arrive pas à le faire. Ok, on va le faire ensemble alors. On va le refaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Annie Fourcault ? Ce que vous entendez là ? Je dirais que ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Mmh. Les grands ensembles ont servi à urbaniser, au sens acclimater à la civilisation urbaine, des populations successives. Dans les années 60, c'est les provinciaux qui viennent à Paris trouver du travail, ou c'est les rapatriés d'Algérie qui viennent, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, alors, etc. Là, c'est les nouvelles immigrations, mais il y a eu plein d'immigrations successives dans ces grands ensembles, et qui, généralement, globalement, s'en sortent à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils quittent le grand ensemble dégradé pour aller habiter un pavillon en grand périurbain. Et ils s'en sortent parce que, sauf les grosses périodes de chômage, de désindustrialisation, la Courneuve connaît une terrible désindustrialisation dans les années 70-80, après les gens se reconvertissent. Donc il ne faut pas avoir un regard systématiquement négatif à partir d'un certain nombre de drames réels pour pouvoir comprendre le phénomène historique. Je pense que ça interdit de le comprendre. Oui, mais enfin, il y a quand même un constat, il y a des gens qui vivent dans ces ensembles, si on entend et on les entend dire à quel point ils y vivent mal, ils ne l'inventent pas non plus. Vous savez combien il y a de demandes de HLM à La Courneuve ? Actuellement, 2000. Il y a 2000 personnes qui rêvent d'avoir un logement à La Courneuve. Donc, évidemment, les gens se plaignent, bon, pourquoi pas, les gens se plaignent, mais... Il y a aussi tout le travail de l'ANRU, dont on n'a pas suffisamment parlé, qui est un énorme travail de rénovation urbaine. Oui, on a dit qu'il y a une politique de la ville, bien sûr. Une énorme, mais travail de... D'abord, les bars de la Courneuve, elles n'existent plus aujourd'hui. Elles ont quasiment totalement disparu. D'ailleurs, c'est... Non, on va en parler, d'ailleurs. Balzac, c'est la première à avoir sauté de façon très médiatisée. Mais Une fois que les barres ont sauté, on reconstruit et on reloge les populations, généralement, dans ces petits immeubles sécurisés, résidentialisés. Alors, les zones de non-droit, de terreau pour le djihad, parfois, c'est quoi ? C'est des fantasmes ? Non, ça existe quand même ? Pas du tout, mais ça n'a rien à voir avec l'urbanisme. C'est intéressant ce que vous dites. Ça n'a rien à voir avec l'urbanisme. Alors, la fonction de l'urbanisme, c'est de construire des édifices, des structures pour que les gens vivent ensemble et plutôt bien. D'accord ? C'est ça, l'urbanisme. C'est un projet social, l'urbanisme. Si vous voulez. Ah bon ? Moi, je trouve que c'est un projet totalement social, mais bon. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais c'est quand même pas forcément réussi, quoi. Je vous pose la question, pardon. Là, je suis en train d'affirmer, je vous pose la question. Est-ce que l'urbanisme des grands ensembles a été réussi, bien pensé. Il a été pensé de façon très correcte pour les années 50-70. Il a plus ou moins évolué sous l'effet des politiques de la ville successives, sous l'effet des rénovations urbaines. Mais le djihadisme, la drogue, la désindustrialisation, c'est autre chose. Il y a des grands ensembles dans d'autres pays qui fonctionnent très bien. Ouais. C'est pas les bars et les tours qui sont pathogènes en elles-mêmes. Alors, ça me paraît une bêtise. Bon, qu'est-ce qui est pathogène alors ? Qui fait qu'on vit quand même, madame, on vit quand même moins confortablement dans ces espaces-là que dans d'autres. Enfin, il y a pas de... Non ? Alors, on vit moins confortablement que dans la ville-centre, ancienne, muséifiée, je veux bien. Mais... demander aux populations comoriennes, tamoules, sri lankaises, qui viennent d'arriver à la Courneuve, plus ou moins clandestinement, parce qu'il y a longtemps eu à la Courneuve des squats, etc., de la suroccupation, il y avait des appartements qui étaient suroccupés, il y avait des dizaines de familles, etc. S'ils n'avaient pas été là, les familles, elles auraient été où ? Dans la rue, sur le trottoir. Donc, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire rentrer dans la société française des populations variées, clandestines ou pas clandestines. Alors qu'on y vive moins bien que dans un appartement du quai de Passy, je veux bien, mais on y vit mieux que si on était sur le trottoir, sur des cartons. Mais vous savez, votre regard m'intéresse parce qu'il m'interpelle, il n'est pas dans la doxa, donc je ne cherche pas à être en opposition avec vous, je suis simplement interpellé, et c'est bien d'ailleurs. Il me reste le temps de vous poser une question quand même. On a parlé de la démolition des grands ensembles. Vous pensez, vous, qu'à chaque démolition, on a reconstruit de façon beaucoup plus pertinente, que c'est tout à fait spectaculaire, que c'est aussi positif, les reconstructions ? Grosso modo, le travail dans la rue me paraît extrêmement positif. Ouais. D'ailleurs, les petits immeubles de la rue, ou les petits pavillons, ou les pavillons en bande, puisqu'on reconstruit quelque chose de totalement différent, mais les gens se ruent pour aller habiter dans les constructions de la rue. On fait des éco-quartiers à la place, donc on remplit les nouveaux besoins. Et dans certains cas, on rénove les grands ensembles sans les détruire, et ça marche très très bien. Il y a des très belles choses, parce qu'on utilise les appartements traversants, on leur rajoute des balcons, des jardins suspendus, et ça donne des choses magnifiques. Donc il faut pas, si on part exclusivement d'un regard négatif, qui renvoie à des phénomènes réels. Oui. Le djihadisme, les quartiers de non-droit, c'est vrai, ça existe. Il y en a 150 à 300 en France, on ne sait pas exactement. C'est exact. Mais ça n'a rien à voir avec l'urbanisme des Trente Glorieuses. Juste une petite question à laquelle vous pouvez répondre par oui et pardon. Vous écoutez les rappeurs et ce qu'ils disent ? Parfois. Ouais. Ma petite fille me fait écouter les rappeurs. Ouais. Et vous pensez que ce qu'ils disent ne correspond pas à la réalité ? Par exemple ? D'abord, tous les rappeurs ne disent pas la même chose. C'est vrai. Il y a des rappeurs orduriers et il y a des rappeurs positifs. Donc le rap, c'est pas juste une espèce de complainte négative. Ceci dit, l'image négative de la banlieue, elle date au moins des années 30. Donc c'est pas une nouveauté. Bien. Merci infiniment, Annie Fourcault, pour vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Cité des 4000, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.